Tout m'agace, un rien m'agace. Mon corps ne dit rien, il subit. Il subit, il subit. Il subit que mon corps ne dit rien, il ne dit rien, il subit. Le cou craque. Tourner la tête fait mal. Le dos est mou. J'ai peur qu'il ne se calcifie comme ça. Mais la tête est trop lourde pour redresser. Le pouce a mal. De toujours scroller sur les écrans vides, mes yeux vides dans l'écran vide, moi qui me regarde hébété devant les infos immobilisantes. Moi qui me revois regarder la télé à 10 ans, passer mon temps devant, passer mon temps à ne pas le passer à courir, ne pas jouer, ne pas parler. Mon cerveau ébloui par l'écran et mon pouce qui exprime la douleur. L'autre jour, il a claqué. Jamais entendu claquer mon pouce avant. Je vieillis. Il vieillit. Et une faible douleur reste et il me dit que je peux l'accepter. En fait, non. Elle me dit que j'atteins les limites. Et je me dis que... je peux l'accepter finalement. Je me résigne à une inquiétude sourde. Hé ! À côté, il y a des gens, mais le mal est tellement installé qu'il m'empêche d'être en lien. Je suis froide, je calcule, je me dis que si je fais ça et ça, ça ira. Je fais ça et je fais ça aussi, mais ça non, non, non, non. Alors je fais quoi ? Quoi ? Je cherche, en écrivant. Je cherche le bout de... Je cherche le bout de la logorée qui sort de mes doigts et que j'extirperai de ma bouche. Je lirai à haute voix pour savoir que c'est de moi dont je parle et pour savoir enfin ce que je pense et quelle forme a le bordel. Commencez par les contours.